إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le prophète صلى الله عليه وسلم a loué les trois premiers siècles. Il a dit: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Il a dit: les meilleurs gens sont ceux de mon siècle, puis le siècle qui vient après, puis le siècle qui vient après trois premiers siècles, où les savants s'aimaient et s'aidaient. Il n'y avait pas de conflit entre eux, malgré des grands débats, de grandes discussions qui ont eu lieu entre les disciples de l'imam Shafi'i et les disciples d'Abu Hanifa, et des débats qui ont lieu aussi entre avec les autres madhahib malikites et hanbalites. Il cédait, et cette rivalité, il a enrichi le patrimoine jurisprudentiel. Mais au quatrième siècle apparut l'imitation servile, apparut taqlid al-a'ma, et l'attachement inconditionnel au madhab, l'opiniâtreté, chacun y exaltait son imam. Contrairement aux pieux prédécesseurs, chacun essayait d'élever son imam sur les autres imams. Et il y eut des conflits. Et ils se sont divisés et se sont séparés. Chacun vantait son madhab à contre-vérité, à tort et à raison. Le même esprit partisan qui existait chez les gens de la jahiliya. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Dans sourate Ar-Rum: ne soyez pas comme les associateurs, ceux qui ont divisé leur religion et se sont comportés en faction partisane, chaque parti étant satisfait de sa propre doctrine. Chaque parti est satisfait de son madhab. Chaque parti vantait son madhab. Chaque parti, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il associait Allah avec l'imam de son madhab. Alors qu'Allah a dit: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, ne soyez pas comme les associateurs. Et il a dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-An'am: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Ceux qui ont divisé leur religion et se sont comportés en faction partisane, tu n'as rien à voir avec eux. Et il a dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Imran: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se divisèrent et divergèrent au sujet de la vérité après que les preuves évidentes leur furent parvenues. Ceux-là auront un châtiment immense. Chacun vante son imam. Le Hanafite dit qu'Abu Hanifa est le premier mujtahid, comme s'il n'y avait pas de mujtahid avant lui, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni les quatre Abdullah, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, ni Zayd ibn Thabit, ni Sufyan al-Thawri, ni Kharija ibn Zayd, et la liste est longue. Les Malikites vantent l'imam Malik, c'est l'imam de la terre de l'émigration, le premier qui a écrit un livre sur la Sunna. Pareil pour Shafi'i et Ahmed. Nous reconnaissons ces mérites-là. Nous leur reconnaissons beaucoup de mérites, mais nous n'allons pas jusqu'à les exalter et jusqu'à dépasser la mesure dans leur vénération. Nous savons que, vous savez que dans notre religion, il est interdit de vanter quelqu'un et de le mettre sur le même pied d'égalité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou aller jusqu'à le diviniser. Le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la tutaruni kama atarat an-nasara al-masih ibn maryam. Il a dit: ne m'exaltez pas comme les chrétiens avaient exalté le Messie fils de Marie. Ça, c'est une sorte d'extrémisme, le relou. Allah a dit: la tarlou fi dinikum. N'allez pas à l'extrême dans votre, ne dépassez pas la mesure dans votre religion. Ils sont allés jusqu'à inventer des hadiths sur les mérites de leur imam. Écoutez ce hadith d'un hanafite qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il dit. Il dit le hadith suivant. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris ». Il dit « Dans ma communauté surgira un homme qui s'appelle Muhammad ibn Idris ». Adarru ala ummati min iblis. Il nuira à ma communauté plus qu'Iblis. C'est-à-dire qu'il fera des dégâts dans ma communauté plus qu'Iblis. Il fait allusion à qui? À Muhammad ibn Idris, Shafi'i. Hein? Il a haïssé Shafi'i qu'il a inventé un hadith qui dit que le prophète sallam le haïssé et le condamné. Regarde ce qu'il dit sur son imam. Dans le même hadith, « Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifa huwa siraj ummati » Et il y aura dans ma communauté un homme appelé Abu Hanifa. Il est le flambeau qui illumine le chemin à ma communauté. Ce hadith, c'est un hadith inventé. Vous pouvez vous en apercevoir vous-même, c'est clair. C'est un hadith maudou'. Il est cité par Ibn al-Jawzi dans son livre Les hadiths inventés, al-maudou'at. Sa chaîne comporte des menteurs comme Ma'moun ibn Ahmed al-Sulami et Ahmed ibn Abdullah al-Jouibari. Ces deux rapporteurs sont des menteurs, comme l'a dit Ibn Hajar dans l'Isal al-Mizan, et dans Tadrib, c'est cité aussi dans Tadrib al-Rawi al-Suyuti, dans Tariq Baghdad al-Khatib. Vous savez, les savants du hadith, ce genre de choses ne leur échappent pas. Et dès que quelqu'un ment, ou ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam des hadiths mensongers, il est vite dénoncé et traqué. Et son fichier, il est cité dans ces livres-là. Pour qu'on soit en garde contre lui, contre tout menteur, contre tout rapporteur qui dit des mensonges au sujet de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les malikites, ils font le chantre du hadith Yushiku an yadrib an-nas akbad al-ibil yatlubun al-ilm fala yajidun 'aliman a'lam min 'alim al-Madina. Bientôt, ils disent, voilà, il y a un hadith qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dit, bientôt des gens parcourront de longues distances et feront souffrir leurs chameaux à la recherche de la science, mais ne trouveront pas un homme plus savant que le savant de Médine. Ils appliquent ce hadith à Malik ibn Anas, rahimahullah, à l'imam Malik. Or, ce hadith ne s'érige pas en argument, puisqu'il est faible, il est daïf. Les Shafi'ites, quant à eux, ils se prévalent du hadith al-a'imma min Quraysh. Les imams doivent être issus de Quraysh. Et du hadith qaddimu Quraishan wa la taqaddamuha. Donner la priorité aux Quraysh et ne les devancez pas. Parce que Muhammad ibn Idris Shafi'i, c'est un Quraishite. Ces hadiths sont certes authentiques. Mais ils parlent de la grande imama, du califat. Ils ne parlent pas de l'imama dans la science. Et un autre hadith aussi qu'il cite, « La tasubbu Quraysh, n'insultez pas Quraysh, fa inna alimaha yamla'u atbaq al-ardi ilman, son savant va remplir la terre de science. » C'est un hadith qui est très faible. Il est rapporté par Tayal ici dans son Musnad. La cause de sa faiblesse, c'est l'existence d'un rapporteur qui s'appelle Fahd ibn Aouf, et au sujet duquel Ali ibn al-Madini, le cheikh de l'imam Bukhari, a dit que c'est un kazzab. Ali ibn al-Madini a dit que ce Fahd ibn Aouf est un menteur. Alors, sans parler de l'invention de hadith pour faire triompher le madhab, comme par exemple le hadith marrafa'a yadehi fi salat fa la salata lahu, celui qui lève ses mains dans sa prière est nulle. Qui a forgé ce faux hadith? Un hanafite, bien sûr. Ma'moun ibn Ahmed al-Harawi. Sans parler des histoires qu'il forge pour interpréter faussement un hadith, ils trouvent par exemple un hadith authentique qui contredit leur madhab, et là ils essaient de raconter des histoires pour détourner le sens du hadith et pour lui donner un autre sens qui convient à leur doctrine et à leur madhab. Vous connaissez tous les hadiths sur l'obligation des ablutions après avoir mangé la viande du chameau. Muslim, il rapporte dans son sahih que Jabir ibn Samura a dit, un homme demanda à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, devons-nous faire les ablutions après avoir mangé la viande des ovins? Il a dit, si tu veux, fais-le, si tu ne veux pas, ne le fais pas. L'homme demanda, nous devons-nous faire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui, fais les ablutions après avoir mangé la viande du chameau. Et l'homme demanda, pourquoi pouvons-nous prier dans les enclos des ovins? Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pouvons-nous prier dans les enclos des chameaux? Non, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'histoire qu'il raconte pour interpréter ce hadith. C'est pas ce hadith-là, un autre hadith il donne la raison qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à exiger les ablutions après avoir mangé la viande du chameau. Ils ont dit non, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour en train de faire un pran, une khutba, et parmi les assistants, un homme péta. Et il eut honte de se lever au milieu des gens et d'aller refaire ses ablutions. Il avait auparavant mangé de la viande du chameau. Comment il est, ce temps qu'il avait mangé de la viande du chameau avant de se rendre à la mosquée, Allah a'lam. Admettons que le rapporteur le savait. Et ils disent, bon, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour le couvrir, a dit celui qui a mangé la viande du chameau qu'il aille refaire ses ablutions. Et un groupe de gens ayant mangé la viande du chameau sont partis refaire leurs ablutions. Cette histoire, c'est une histoire, tout court, sans fondement, et qui n'existe dans aucun recueil de tradition, ni dans les livres du fiqh, ni dans les livres du tafsir, et qui est incompatible avec la raison. Celui qui a un minimum d'intelligence ne l'acceptera pas. En plus de cela, elle porte atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa sunna. Ce n'est pas digne de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam d'égarer les gens et de les faire tomber dans ce piège. Il a envoyé des gens refaire les ablutions pour avoir mangé la viande du chameau, alors que ce n'est pas celle-là la raison. Il les a envoyés balader comme ça sans leur donner leur montrer la raison. C'est grave ce qu'on attribue à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et juste, subhanallah, l'imam Nawawi, qui est un shafi'ite, on sait que les shafi'ites ne voient pas l'obligation de faire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau. Nawawi, il a divergé des shafi'ites, il a divergé de l'imam shafi'i. Il a dit, non, il faut faire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau, comme c'est cité dans le Majmou'a, dans son deuxième volume. Et aussi dans son explication de Sahih de Muslim. Nous respectons le khilaf. Nous disons qu'il y a divergence entre les savants, entre les fuqaha, entre les madhahib, à propos de ça, à propos de ce point. D'accord. Mais de là à inventer des hadiths, de là à inventer des histoires pour réfuter ces hadiths-là et pour les rejeter, non. Ce ta'assub, cet attachement inconditionnel au madhab a poussé certains comme Al-Karhi, qui est Hanafit, à dire, regardez ce qu'il dit, كل آية وحديث لا يتفق مع مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول. Il a dit, tout verset et tout hadith qui n'est pas en accord avec notre madhab est soit abrogé ou nécessite qu'on fasse passer son sens du sens prépondérant à un sens non prépondérant, c'est-à-dire on fait le ta'wil. Regardez, il a considéré, il a pris le madhab comme une base. Et il a soumis le Coran et la Sunna à son madhab. Alors qu'on doit faire le contraire. C'est le madhab qui doit être soumis au Coran et la Sunna. Ce qui est en accord avec ce qui est dans le Kitab et Sunna, on l'accepte. Ce qui est incompatible, on ne l'accepte pas. Ces divergences et ces conflits sont devenus graves, au point qu'on trouve dans une seule mosquée plusieurs mihrab. Mihrab, c'est l'endroit où prie l'imam. Un mihrab pour les malikites, un mihrab pour les shafi'ites, un mihrab pour les hanafites, un mihrab pour les hanbalites. Personne ne prie derrière un imam qui n'est pas de son madhab. Comme la mosquée de Banu Umayya à Dimashq, à Damas, il y avait 4 mihrab. L'histoire regorge de conflits, de désordres et de tueries entre les adeptes des différents madhab. On n'a qu'à revenir aux événements de la fin des années 590, vers les 595 de l'Hégire, dans le livre Bidaya wa Nihaya, pour s'en assurer. Même la mosquée, le Beit al-Haram, même la mosquée sacrée, chaque fidèle prie derrière l'imam de son madhab. Subhanallah, regardez cette division, même au sein de la mosquée sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque, il y a cette division, alors qu'Allah a mis en garde contre ce genre de division. Il a ordonné à la communauté de se réunir, et Abdullah ibn Mas'ud, qui à l'époque du califat de Uthman, quand il a prié derrière Uthman Aminan, et Uthman, au lieu de faire deux rak'at, au lieu de raccourcir, il n'a pas raccourci la prière comme a fait Abu Bakr, comme a fait Omar ibn al-Khattab, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a prié une prière complète de 4 raka'a, alors que Ibn Mas'ud voyait le contraire. Et pourtant Ibn Mas'ud, il a complété la prière derrière Uthman, et quand ils lui ont posé la question, il dit: pourquoi tu as fait takmil, c'est-à-dire tu as fait 4 raka'at au lieu de 2 raka'at? Il a dit: je n'aime pas le khilaf, c'est pour éviter ce genre de division. Le khilaf est allé loin. Certains hanafites ont interdit le mariage d'un hanafite avec une femme shafi'ite. Le comble est qu'un faqih surnommé Mufti al-Thaqalayn, pour soi-disant réconcilier les madhabs, il a fait sortir une fatwa. Cette fatwa, il dit, il a autorisé le hanafite à se marier avec un shafi'ite, et il a justifié cette fatwa. Il a dit: tanzil allaha manzilat al-kitab. Il a dit: puisqu'on a le droit d'épouser une femme des gens du livre, chrétien ou juif, il est aussi autorisé d'épouser une femme shafi'ite. Vous rendez compte? C'est comme si la femme shafi'ite n'était pas musulmane. L'un des qadis hanafites de Dimashq, Mohammed ibn Badr al-Balasaruni, il est mort en 506 de l'Égypte. Il disait, comme le rapporte Ibn Kathir: si j'avais le pouvoir, je soumettrais les Shafi'ites au régime de la capitation, le jizya. Il les soumettrait au régime de la capitation. C'est que la capitation, on l'impose aux non-musulmans. Il a hissé les Shafi'ites et les Malikites. Ces conflits ont contribué par la suite à la prolifération des sectes hérétiques. Les Batinites, les Rafidas, l'invasion de l'Est par les Tatars et l'Ouest par les Croisés, la chute de la dynastie Abbaside, la chute de l'Andalus, l'Espagne musulmane, et d'autres événements malheureux dont la communauté musulmane garde les séquelles et en souffre jusqu'à aujourd'hui. Il faut connaître une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran: In tansurullah yansurkum. Si vous soutenez Allah, Allah vous soutiendra. Si vous soutenez Allah, ça veut dire si vous soutenez sa religion, parce qu'Allah, il se passe de l'univers. Si nous soutenons Allah, si nous soutenons sa religion, et si nous faisons les causes, à savoir les causes matérielles, pour retrouver notre suprématie et notre pouvoir, hein, il faut faire les causes matérielles, la technologie et tout, et aussi il faut que la religion suit aussi. Il faut qu'elle suit. Il faut qu'on fasse l'ijtihad pour donner, pour gérer, donner, apporter l'ahkam, tirer les hukms du Coran et de la Sunna qui gèrent notre évolution dans le domaine matériel. D'accord? Mais là, les muqallidines, ceux qui s'entêtent, ceux qui s'attachent inconditionnellement au madhab, ils sont allés loin dans leur imitation jusqu'à arrêter l'ijtihad. Ils ont dit qu'il n'y a plus d'ijtihad. Tellement ils ont horreur du changement, de l'évolution. Ça, ce sont des fuqaha qui ont dit ça. De la rénovation. Bon, pour soumettre les gens à leur passion et pour les empêcher de suivre les réformateurs et les mujtahids, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné naissance à cette bid'a qui est l'arrêt de l'ijtihad. L'ijtihad s'est arrêté, ça y est, s'est arrêté aux 4 madhab. Il faut se contenter des livres des fiqhs anciens, il faut s'y conformer à la lettre, plus d'ijtihad. Ils ont divergé à ce sujet comme cela leur arrive toujours sur la date de l'arrêt de l'ijtihad. Certains ont dit que l'ijtihad s'est arrêté à Abu Hanifa, certains au 2e siècle, certains au 3e. Ça y est, l'ijtihad a été clôturé. Personne n'a le droit de contester les imams. Regardez le ta'assab, où est-ce qu'il mène, hein? Mais dites-moi sincèrement, est-ce que ce conflit, est-ce que cette division est une miséricorde? Est-ce que ce khilaf-là est une miséricorde? Non, non, non. C'est un adab, c'est un châtiment. Voilà, ils veulent réduire les gens à des bêtes. Ils ne doivent pas faire le moindre effort de réflexion. Nous devons être comme des ânes chargés de livres, sans en profiter. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » Ceux qui ont été chargés de la Torah et que ne l'ont point observé sont pareils à des ânes pliant sous le poids des livres sans en tirer aucun profit, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Jumu'ah. Hein? Nous avons sur le dos le Coran, la Sunna et tout, et les travaux, les ijtihadats des fuqaha, mais nous n'en en profitons pas. Le Coran et la Sunna sont des sources intarissables, ils ne s'épuisent jamais. Ça, je le dis, je ne cesse de le répéter. Chaque siècle, il y a des savants qui font jaillir de l'intérieur des textes, des règles, des enseignements et des sagesses. La question que nous posons à ces gens-là, à ceux qui ont revendiqué l'arrêt de l'ijtihad, quelle est votre preuve? قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Apportez votre preuve si vous êtes véridique. Que dites-vous au sujet du hadith suivant? لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ. Une fraction de ma communauté ne cessera de détenir en son sein la vérité et d'avoir le dessus sur leurs adversaires. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Sans être gêné par ceux qui divergeront d'elle, et cela jusqu'à ce que survienne l'ordre d'Allah. Ibn Hajar, rahimahullah, il s'est fondé sur ce hadith pour réfuter la fermeture de l'ijtihad. Voir ça dans son livre Fath al-Bari, qui est l'explication de Sahih al-Bukhari. Nous leur disons aussi, que dites-vous du hadith suivant? مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. Ma communauté est comme la pluie, on ne sait si c'est le début ou la fin qui sera meilleur. Que pensez-vous aussi du hadith يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Le prophète sallam a dit, les hommes, des hommes intègres de chaque génération porteront cette science, la science religieuse. Ils la débarrassent de la falsification des extrémistes, du plagiat des tenants du faux et de l'interprétation des ignorants. Subhanallah, c'est comme si le prophète sallam parlait aujourd'hui. Ce hadith est authentique. Il est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Que pensez-vous aussi de ce hadith de Abu Huraira? Inna Allah yab'ath li hadhihi al-umma 'ala ra's kulli 100 sanah man yujaddid laha dinaha. Au bout de chaque siècle, Allah envoie à cette communauté des hommes qui donne du sang neuf à sa religion, qui rénove pour elle sa religion. Je traduis man yujaddid par les hommes, des hommes, et non pas par celui, pas seulement un homme, parce que man, la particule man indique le singulier comme elle indique le pluriel. Et comme a dit Ibn Hajar, rahimahullah, dans Fath al-Bari, dans son explication du hadith que j'ai cité tout à l'heure, la tazalu ta'ifatu min ummati, une fraction de ma communauté ne cessera de détenir en son sein la vérité. Il a dit, ce hadith ne signifie pas qu'il ne s'agit que d'un seul homme, mais il s'agit de plusieurs, comme le prouve le hadith de la fraction. Et il a dit, il se peut qu'il y ait plusieurs savants, mais pas un seul homme. Quand j'étais en train de faire mes recherches sur ce sujet, la fermeture de l'ijtihad, j'avais dans ma tête, je me suis rappelé que le cheikh Albani, rahimahullah, il a évoqué cette question dans un de ses cours et il a parlé de la prière dans l'avion. C'était enregistré dans une cassette que j'avais entendue il y a une dizaine d'années à peu près, les années 90. Mais alhamdoulilah, je l'ai trouvé dans Silsilat al-Ahadith Sahiha. Il en parle dans Silsila. C'était dans son commentaire du hadith de Hudhayf ibn al-Yaman. Il a cité ce hadith dans son livre. Suivez bien. Il a dit, bon, Ce hadith est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yadrusu l'islamu kama yadrusu washyu thawb hatta la yudra ma siyam wala sadaqa wala nusuk la siyam ma siyam wala sala wala nusuk wala sadaqa. L'islam s'effacera de la même manière que s'usent les broderies d'un habit, de sorte qu'on ne saurait plus qu'est-ce que le jeûne, la prière, l'aumône ou un rite religieux. وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ. En une nuit, on cherchera le livre d'Allah et on ne le trouvera point. On cherchera le livre d'Allah et on ne le trouvera point. De même qu'on ne retrouvera rien de ce que les gens ont appris par cœur, c'est-à-dire du Coran. وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٍ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ. Seuls demeureront quelques groupes de gens. الشيخ الكبير والعجوز. Seuls demeureront quelques groupes de gens, comptant des vieillards et des vieilles femmes, qui diront يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها La ilaha illallah. Des vieillards et des vieilles femmes qui diront nous avons connu un temps où nos pères prononçaient cette parole La ilaha illallah. Il n'est de Dieu si ce n'est Allah. Et nous la prononçons nous aussi. Hadith authentique qui parle de l'effacement, de la disparition des préceptes de l'islam. Et il a dit, rahimahullah, à propos de ce hadith là, il a dit وَمَا رَفْعُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا تَمْهِيدًا لِإِقَامَةِ السَّاعَةِ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ وَمَا رَفْعُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. Le retour du glorieux Coran au ciel à la fin des temps n'est qu'un signe précurseur de la venue de l'heure. إِلَّا تَمْهِيدًا لِإِقَامَةِ السَّاعَةِ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ n'est qu'un signe précurseur de la venue de l'heure qui est un événement qui s'abattra sur des gens mauvais. الذين لا يعرفون شيئا من الإسلام البتة حتى ولا توحيدة. Des gens qui ne connaissent rien de l'islam, ne serait-ce que l'unicité divine. وفي الحديث إشارة إلى عظمة القرآن. Ce hadith fait allusion à l'imminence du Coran. Suivez bien ce qu'il est, le hadith de Hudhayfa. L'islam s'effacera de la même manière que s'usent les broderies d'un habit, de sorte qu'on ne saurait plus ce qu'est le jeûne, la prière, et tout du même que ces rites, la prière, le jeûne, ils disent on va les ignorer, on va les oublier. Qu'est-ce qui va se passer? Le Coran va partir. وفي الحديث إشارة إلى عظمة القرآن. Ce hadith fait allusion à l'imminence du Coran. وأن وجوده بين المسلمين هو السبب لبقاء دينهم ورسوخ بنيانه. Et que sa présence, ce hadith fait allusion à l'imminence du Coran, et que sa présence parmi les musulmans garantit la pérennité de leur religion et la stabilité ferme de la charpente religieuse. وما ذاك إلا بتدارسه وتدبره وتفهمه. Chose qui ne peut se réaliser que par son étude, sa méditation et sa compréhension. ولذلك تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه إلا أن يأذن الله برفعه. C'est de cette manière d'ailleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé de le garder jusqu'au jour où il donnera l'ordre de l'élever à lui, c'est-à-dire le jour où les gens ne le méditeront pas, le jour où les gens n'en tireront pas les ahkam. À quoi ça va servir? Allah subhanahu wa ta'ala élèvera le Coran au ciel. Et il ajoute, suivez mot par mot ce qu'il dit, parce que le cheikh dans ses commentaires, il faut les suivre à la lettre, il faut suivre mot par mot, parce que ces mots dégagent beaucoup d'enseignements. فما أبعد ضلال بعض المقلدة الذين يذهبون إلى أن الدين محفوظ بالمذاهب الأربعة. Écoutez, suivez bien. Certains muqallidin sont allés loin dans l'égarement quand ils ont prétendu que la religion est préservée par les quatre madhhab. فما أبعد ضلالي بعد بعض المقلدة الذين يذهبون إلا أن إلى أن الدين محفوظ بالمذاهب الأربعة، وأنه لا ضير على المسلمين من ضياع قرآنهم لو فرض وقوع ذلك. Certains مقلدين sont allés loin dans l'égarement quand ils ont prétendu que la religion est préservée par les quatre madhab et ce n'est pas grave si les musulmans perdent leur Coran au cas où cela se produirait. هذا ما كان صرح لي به أحد كبار المفتين من الأعاجم. هذا c'est ce que m'a déclaré un des grands muftis non arabes qui parle couramment la langue arabe pure lors de notre discussion sur l'ijtihad et taqlid. هذا ما كان صرح لي به أحد كبار المفتين من الأعاجم وهو يتكلم العربية الفصحى بطلاقة، وذلك لما جرى الحديث بيني وبينه حول الاجتهاد والتقليد. قال ما يردده كثير من الناس. Il a dit une parole que répète beaucoup de gens. إن الاجتهاد أغلق بابه منذ القرن الرابع. L'ijtihad, la porte de l'ijtihad fut fermée depuis le 4e siècle de l'Hégire. فقلت له, je lui dis, Cheikh Albani lui dit, وماذا نفعل بهذه الحوادث التي تتطلب معرفة حكم الله فيها اليوم؟ Il lui a dit, qu'en est-il de ces événements nouveaux qui exige de nous la connaissance du jugement d'Allah en ce qui leur concerne et leur qualification juridique. قال إن هذه الحوادث مهما كثرت فستجد الجواب عنها في كتب علمائنا إما عن عينها أو مثلها. Il répondit, les questions concernant les cas nouveaux, les événements nouveaux, bien qu'ils soient nombreux, tu trouveras leur réponse dans les livres de nos savants. Tu trouveras soit le même cas, soit des cas qui leur ressemblent. فقال الشيخ الألباني لي قلت له فقد اعترفت ببقاء باب الاجتهاد مفتوحا ولا بد. الشيخ الألباني لي tu viens de reconnaître que la porte de l'ijtihad demeure ouverte. قال وكيف ذلك؟ comment cela il demanda le mufti. قلت لأنك اعترفت أن الجواب قد يكون عن مثلها لا عن عينها. Le الشيخ الألباني لي parce que tu as reconnu que les réponses sont des réponses à des cas analogues, chose que tu as distingué des cas identiques. وإذ الأمر كذلك سيستنسي فلا بد من النظر في كون الحادثة في هذا العصر هي مثل التي أجابوا عنها. وحين ذلك فلا مناص من استعمال النظر والقياس وهو الدليل من أدلة الشرع. Si c'est ainsi, il faut vérifier si l'événement, c'est-à-dire le cas nouveau, si cet événement qui s'est produit dans notre époque est comparable à l'événement que les anciens avaient traité. Or, cela exige nécessairement l'examen et l'utilisation du raisonnement analogique, qui est la quatrième source de législation. Cela signifie l'ijtihad dans toute l'acception du terme. Il dit « وهو الدليل من أدلة الشرع وهذا معناه الاجتهاد بعينه لمن هو له أهل » Il dit, cela signifie l'ijtihad dans toute l'acception du terme pour celui qui est capable, qui en est capable. فَكَيْفَ تَقُولُونَ بِسَدِّ بَابِهِ. Comment alors prétendre après cela que la porte de l'ijtihad est fermée? وَيُذَكِّرُونِ. Là, il nous renvoie le Cheikh Rahimahullah à une autre discussion entre lui et un autre savant. وَيُذَكِّرُونِ هَذَا بِحَدِيثٍ أَخَرٍ. Il dit, cela me rappelle une autre discussion que j'avais avec un des muftis. بحديث آخر جرى بيني وبين أحد المفتين شمال سوريا. Il a dit, cela me rappelle une autre discussion que j'avais avec un des muftis du nord de la Syrie. Je l'ai interrogé. قال سألته هل تصح الصلاة في الطائرة. Je l'ai interrogé, la prière dans l'avion est-elle valide, est-elle valable la prière dans l'avion? قال نعم. Le mufti il a dit oui. Le cheikh lui a dit, هل تقول ذلك تقليدا أم اجتهادا. Et je lui dis, tu dis cela par imitation à un savant après avoir fait l'ijtihad. Il a dit, ماذا تعني؟ قال ماذا تعني؟ Qu'entends-tu par là? Où veux-tu en venir? قلت لا يخفى أن من أصولكم في الإفتاء أنه لا يجوز الإفتاء باجتهاد بل اعتمادا على نص من إمام. Il a dit, qu'entends-tu par là? Il lui dit, comme l'on sait, l'une des bases sur lesquelles vous vous fondez en matière d'ifta est qu'il n'est pas permis de faire une fatwa en faisant un effort intellectuel personnel, ijtihad, mais en se référant à un texte d'un imam. Parce qu'eux, ils ont fermé ils ont fermé la porte de l'ijtihad, donc ils reviennent cite toujours un texte d'un imam. Et là, le cheikh lui a posé la question. Il dit, y a-t-il donc un texte d'un imam qui dit que la prière dans l'avion est valide? Le mufti a répondu non. Et le cheikh, rahimahullah, il dit, comment vous êtes-vous permis de contredire un de vos principes en faisant une fatwa sans se référer à un texte de votre imam? Fakif idan khalaftum aslakum hada, le principe qu'ils ont établi, à savoir qu'il n'y a pas d'ijtihad, fa'aftaytum biduni nas, comment vous êtes-vous permis de contredire un de vos principes en faisant une fatwa sans se référer à un texte? Qala qiyasan, il a répondu par analogie. Qultu, le cheikh Albani qui parle, ma huwa al-maqis alayh, quel est le texte de base auquel tu as ramené ton cas d'espèce? Qala as-salatu fi as-safina, il a répondu la prière sur le bateau. Qultu hasan, faut suivre les propos du cheikh rahimahullah parce que il dégage une grande intelligence. Qultu hada hasan walakinaka khalafta bidhalika aslan wa far'a, et le cheikh lui a dit oui d'accord, mais tu viens de contredire un principe et un dérivé. Quant au principe, nous en avons déjà parlé. Amma al-asl fama sabaqa dhikru. Nous en avons déjà parlé. Là, Cheikh Rahimahullah, il nous renvoie à le fait de ne pas employer l'ijtihad. Et là, le mufti s'est servi du raisonnement analogique qui est en soi un ijtihad. Voilà, il a contredit son principe même. Amma al-far' pour ce qui est du dérivé, faqad dhakara ar-Rafi'i. Faqad dhakara ar-Rafi'i fi sharhihi. Faqad dhakara ar-Rafi'i fi sharhihi. Il lui a dit, ar-Rafi'i a dit dans son commentaire, il entend par là le livre de Fath al-Aziz, qui est Sharh al-Wajiz, de l'imam ar-Rafi'i, qui est un Shafi'ite. Celui qui a écrit le Wajiz, c'est Abu Hamid al-Ghazali. Pourquoi le Cheikh Albani lui cite Ar-Rafi'i? Parce que c'est l'un des références des imams constitue une référence du madhab Shafi'it. Il dit l'imam Ar-Rafi'i a dit que si le fidèle prie sur un balançoire qui n'est pas suspendu à un toit et qui n'a pas de support sur le sol, sa prière est nulle. Imaginez, un balançoire qui n'est pas suspendu à un toit et qui n'a pas de support sur le sol, c'est-à-dire entre le ciel et la terre. Un balançoire imaginaire. Balançoire entre le ciel et la terre. Il n'a aucun support sur terre et il n'y a aucun plafond auquel sont accrochées les cordes, si vous voulez. Donc, c'est un balançoire imaginaire. Et il a dit, Al-Rafi'i, il dit, celui qui prie sur ses balançoires imaginaires, sa prière est nulle. Et là, le mufti, il a dit, je ne suis pas au courant de ce que tu viens de dire. Qultu, Cheikh Albani, qultu faraji' al-Rafi'i li ta'lama anna fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Je lui ai dit, révise le commentaire d'Ar-Rafi'i pour que tu comprennes qu'au-dessus de tout homme de science, il en est de bien plus savant. فَلَوْ أَنَّكَ تَعْتَرِفُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْقِيَاسِ وَالْإِجْتِهَادِ. Il a dit, si tu reconnais que tu fais partie des gens qui utilisent le raisonnement analogique et l'ijtihad, وَأَنَّهُ يَجُزُ لَكَ ذَلِكُ وَلَوْ فِي حُدُودِ الْمَذْهَبِ فَقَطَّ, et que cela t'est permis ne serait-ce que dans la limite du madhab, لَكَانَتِ النَّتِيجَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الطَّائِرَةِ بَاطِلَة, cela t'amènera à conclure que la prière dans l'avion est nulle. لأن هي التي يتحقق فيها ما ذكره الرافعي من الفرضية الخيالية يومئذ. Cela t'amènera à conclure que la prière dans l'avion est nulle parce que c'est à ce cas nouveau que s'applique l'hypothèse imaginaire de Rafi'i. Si tu veux pas sortir de ton madhab et tu dis moi je me base sur ce que dit l'imam Rafi'i, il a sorti cette histoire-là, cette hypothèse imaginaire que le fait de prier sur un balançoire entre le ciel et la terre est nul. Donc, par analogie à cette hypothèse, la prière dans l'avion est nulle. Et là, le cheikh, rahimahullah, il a ajouté « Amma nahnu fanara anna s-salata fi t-ta'ira sahihatan » Sahihatun la shakka fi dhalik. Quant à nous, nous soutenons que la prière dans l'avion est valide sans le moindre doute. Wala in kana as-sababu fi sihhati as-salati 'ala as-safina annaha mud'amatun bil ma'i baynaha wa bayna al-ard, fa at-ta'iratu aydan mud'amatun bil hawa'i baynaha wa bayna al-ard. Il a dit, et si la raison qui justifie la validité de la prière sur le bateau, c'est le fait qu'elle soit que le bateau soit supporté par l'eau qui se trouve entre lui et la terre, de même l'avion est supporté par l'air qui se trouve entre l'avion et la terre. وَهَذَا هُوَ الَّذِي بَدَى لَكُمْ فِي أَوَلِ الْأَمَرِ. Il a dit, c'est ça, cette conclusion que vous êtes parvenu au départ. حين بحثتم استقلالك, quand vous avez étudié la question de manière indépendante, c'est-à-dire sans influence de madhab, c'est à cette conclusion où vous êtes parvenu. ولكن لما علمتم بذلك الفرع المذهبي صدكم عن القول بما أدكم ببحثكم. Mais il a dit, lorsque vous avez appris ce cas d'espèce du madhab, vous n'avez pas déclaré la fatwa qui en découle. Ils savaient que s'ils appliquent leur madhab, ils vont bien sûr interdire la prière dans l'avion. أعود إلى إتمام الحديث مع المفتي. Là, il revient sur le premier mufti non arabe. أعود, je reviens à ma conversation avec le mufti non arabe. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a dit à ce mufti, Cheikh Albani? قلت له وإن كان الأمر كما تقولون إن المسلمين ليسوا بحاجة إلا مجتهدين لأن المفتي يجد الجواب عن عين المسألة ومثلها فهل يترتب ضرر ما لو فرض ذهاب القرآن. Il a dit, si la chose est telle que tu as exprimée, à savoir que les musulmans n'ont pas besoin de mujtahid parce que le mufti d'aujourd'hui trouvera chez eux la réponse à tout cas nouveau. S'il ne trouve pas un cas identique dans les livres des imams, il trouvera forcément un cas qui lui est analogue. Supposons, il lui a dit, Cheikh Albani, supposons que le Coran disparaît. Cela entraînera-t-il un dommage quelconque? Donc si nous, bon, on ne va pas puiser les ahkam du Coran. Donc s'il disparaît, c'est pas grave. Hein? S'il disparaît, on va se contenter des livres des madhab. Là, c'est mon explication, moi. Je continue ce qu'a dit Cheikh Rahimahullah. Supposons que le Coran disparaît. Cela entraînera-t-il un dommage quelconque? فَهَلْ يَتَرَبْتَبُ ضَرَرٌ مَا لَوْ فُرِدَ ذَهَابُ الْقُرْآنِ قَالَ هَذَا لَا يَقَعْ. Il a répondu, cela n'arrivera jamais. قُلْتُ إِنَّمَا أَقُولُ لَوْ فُرِدْ. Et Cheikh Albani dit, j'ai bien dit, supposons, c'est une supposition. قَالَ لَا يَتَرَتْ. Le mufti l'a répondu. قَالَ لَا يَتَرَتَّبُ أَيُّ ضَرَرٍ لَوْ فُرِدَ وَقُعُ ذَلِكَ. Il a dit, la disparition du Coran, si cela arrivait, n'entraînerait pas de dommages. قلت فما قيمة امتنان الله عز وجل إذن على عباده بحفظ القرآن حين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كان هذا الحفظ غير ضروري بعد الأئمة. جدي tu sais qu'Allah a rappelé comme faveur. جدي tu sais qu'Allah a rappelé comme faveur à ses serviteurs la préservation du Coran. Il a dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en assurons la garde. Sourate Al-Hijr. À quoi sert-il qu'il leur rappelle cette faveur si sa préservation du Coran n'est pas nécessaire après les imams? Pourquoi il leur dirait que c'est un bienfait de garder, de protéger pour vous le Coran, alors que le Coran ne sera pas nécessaire une fois que les livres des imams ont été mis à l'écran, et qu'on a entre nos mains les livres des imams? La vérité, il continue. والحقيقة أن هذا الجواب الذي حصلنا عليه من المفتي بطريق المحاورة هو جواب كل مقلد على وجه الأرض. La vérité est que cette réponse que j'ai obtenue de ce mufti à travers notre discussion est la réponse de tout muqallid imitateur sur terre. La différence est que certains n'osent pas le déclarer. Mais ils le gardent dans leur cœur. نعوذ بالله من الخذلان. Qu'Allah nous préserve d'une telle attitude. فتأمل أيها القارئ اللبيب. Là, il s'adresse à nous, il s'adresse à vous, il s'adresse aux musulmans en général. فتأمل أيها القارئ اللبيب. Mesure toi le lecteur doué de bon sens, l'ampleur du mal dont nous souffrons. فتأمل أيها القارئ اللبيب مبلغ ضرر ما نشكو إليه. لقد جعلوا القرآن في حكم المرفوع وهو لا يزال بين ظهرانينا والحمد لله. Il dit, ils ont considéré le Coran comme une chose disparue alors qu'il existe encore entre nos mains et qu'Allah en soit loué. فاللهم هداك, ta guidance en notre Seigneur. Regardez Taqlid, où est-ce qu'il mène, les dégâts qu'il fait. Ils ont enterré le Coran alors qu'il existe il existe encore entre nos mains. Subhanallah. C'est pourquoi maintenant on voit que les gens, ils psalmodient le Coran sans méditer le sens. Ils ne cherchent pas à puiser du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam les ahkam. Nous pouvons regarder autour de nous et comprendre et connaître et nous apercevoir des conséquences graves de l'imitation servile. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a détaillé cette question dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, dans sa 81e réfutation. Il a dit: inna al-muqallidin hakamu 'ala Allah qadaran wa shar'an بالحكم الباطل جهارا المخالف لما أخبر به رسوله فأخلوا الأرض من القائمين لله بحجته. Il a dit, les muqallidines ont énoncé au sujet d'Allah un jugement universel et religieux contraire au message de son envoyé en vidant la terre d'hommes capables d'établir ses arguments et en disant: il ne reste plus sur terre un savant depuis les époques anciennes. Un groupe a dit: فقال الطائفة ليس لأحد أن يخسر بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي وهذا قول كثير من الحنفية. Un groupe a dit: il n'appartient à personne de choisir, c'est-à-dire de faire preuve d'initiative personnelle pour déduire les ahkam. Il n'appartient à personne de choisir après Abu Hanifa, Abu Yusuf, Zufar ibn al-Hudayl, Lu'lu'i. C'est l'avis de beaucoup de hanafites. Et Bikr ibn al-Ala al-Qushayri al-Maliki, il a dit: laysa li ahadin an yakhtara ba'da al-mi'atayn min al-hijra. Bikr ibn al-Ala, il a dit: personne n'a le choix après l'année 200 de l'Hijra. D'autres ont dit: laysa li ahadin an yakhtara ba'da al-Awza'i wa Sufyan al-Thawri wa Waqi' ibn al-Jarrah wa Abdullah ibn al-Mubarak. D'autres: personne n'a le droit de choisir avant que je viens de citer. Un autre groupe, on dit: personne n'a le droit de choisir après Shafi'i. Et ils ont divergé, et ils se sont contredits, et ils ont divergé au sujet de la date de l'arrêt de l'ijtihad. Alors que l'ijtihad, il continue, walhamdulillah. Inch'Allah, je m'arrête ici pour parler la prochaine fois. Bi'iznillah. Des shubuhat des muqallidin, des arguties fallacieuses des imitateurs, de ceux qui font le taqlid. Subhanakallahum bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.